Bonjour, ici Valérie Levé au micro de CKRL 89A1 et c'est l'heure de la science avec Futur Simple. Notre cerveau nous joue parfois des tours, il nous fait voir les choses de façon biaisée, et ça, c'est à cause des biais cognitifs. Et il y en a des dizaines et des dizaines qui œuvrent à notre insu dans notre cerveau. On va en voir à 18h30 quelques-uns avec Anthony Bertrand Grenier, j'avais oublié son nom. Et il y a les biais cognitifs et il y a aussi les mythes, et notamment les mythes alimentaires. Par exemple, il faut éviter le gluten. Il est vrai que certaines personnes doivent absolument éviter le gluten pour rester en santé, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui diabolisent le gluten pour des raisons qui ne sont pas toujours basées sur la science. Alors, pour faire le point sur le gluten, je suis en compagnie de Clémence Desjardins. Elle est nutritionniste et candidate au doctorat à l'Université Laval. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Clémence, le point de départ, il faut que tu nous dises qu'est-ce que c'est le gluten et dans quel aliment on en trouve. Le gluten, c'est une protéine qui se retrouve naturellement là, dans certaines céréales. Donc, comment on fait pour s'en rappeler là, quand on pense à l'acronyme SABOT, S-A-B-O-T, pour seigle, avoine, blé, orge et triticale. Puis quand on parle de blé aussi, il ne faut pas oublier que ça l'inclut, par exemple, le camut et l'épeautre, qui sont des céréales qui font partie de la même famille. Donc, ça, c'est des exemples d'aliments de céréales qui en contiennent, mais d'autres céréales qui en contiennent pas. Par exemple, ça serait le riz, le sarrasin, le quinoa et le maïs, mais il y en a plein d'autres. Et la majorité du gluten qu'on retrouve dans les aliments aujourd'hui proviennent du blé, donc tout ce qui contient de la farine. Par exemple, le pain, les pâtes alimentaires, pizza, certaines céréales à déjeuner, certains craquelins, etc. Puis aussi, là, la bière en contient, parce que la bière, typiquement, est faite avec de l'orge. La bière contient du gluten, mais il faut dire qu'il y a quand même des sortes là, qui sont faites avec d'autres céréales, donc qui sont sans gluten. C'est ça. Donc, et pourquoi justement est-ce que la farine de blé qui est utilisée dans la grande majorité de ces aliments, par exemple, si l'orge contient du gluten, alors pourquoi on ne voit pas du pain exclusivement... l'orge contient du gluten, pourquoi on ne voit pas du pain à l'orge? En fait, le gluten, c'est vraiment important en boulangerie puis aussi en pâtisserie. C'est un peu comme une colle là, qui va permettre au pain de garder leur bulle d'air quand ils cuisent. Donc, ils vont pouvoir bien lever et ultimement avoir une belle mie avec des alvéoles. Puis, la farine de blé, pourquoi elle est beaucoup utilisée? C'est parce qu'elle contient une bonne proportion de gluten pour permettre justement d'obtenir ces beaux résultats-là. Alors que d'autres types de farine, comme la farine d'orge, justement, en contient moins. Donc, ça va être plus difficile à travailler. Mais, par exemple, si on pense au pain de seigle qu'on retrouve à l'épicerie, ça sera pas exclusivement du seigle. Ça va être un mélange de farine de blé et de farine de seigle pour permettre justement que la pâte se travaille mieux. Et aussi, il est possible d'isoler le gluten du blé, puis de l'ajouter là, à certains produits pour améliorer leur texture. Donc, c'est pour ça que des fois, on va voir dans la liste d'ingrédients de certains aliments le terme gluten ou gluten de blé tout court. Et d'ailleurs, si je fais une petite parenthèse, la farine de gluten, le gluten qui est isolé du blé, c'est ce qui va permettre de faire du seitan, ce qui est une alternative végane à la viande. Puis, c'est très, très riche en protéines. Ouais, donc on voit que le gluten, c'est essentiel à la fabrication des produits de boulangerie, mais pas uniquement, on en trouve ailleurs. Et puis, sinon, pour les produits sans gluten, pour avoir déjà goûté du pain ou des muffins sans gluten, la texture est quand même différente des produits traditionnels qui contiennent du gluten. Et puis, c'est vrai que les alternatives sans gluten sont généralement plus denses, sont plus cassantes. Et en même temps, c'est pas complètement différent des produits de pâtisserie réguliers. Donc, comment est-ce que l'industrie est capable de produire des produits culinaires du gluten dans des aliments qui n'en contiennent pas? Ouais, mais c'est vrai que je suis d'accord. Règle générale, là, quand on est habitué de manger du pain standard, du pain avec du gluten, comme c'est mon cas également, c'est pas vraiment difficile de dire qu'un pain est sans gluten, là, de par sa texture, justement. Quoique, en même temps, je sais que de plus en plus, là, il existe des options sur le marché qui peuvent être vraiment intéressantes et vraiment de plus en plus similaires au pain. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les personnes, justement, qui doivent éviter le gluten. Les produits sans gluten, souvent, là, vont avoir un mélange de différentes farines. Donc, évidemment, pas de la farine de blé, mais des farines sans gluten comme le riz, l'amande, pois chiche, quinoa, sarrasin. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Puis, pour permettre à ces produits-là d'avoir une texture qui se rapproche davantage de celle des aliments avec gluten, il y a différents ingrédients qui peuvent être ajoutés. Par exemple, il y a des types de fibres comme le psyllium, la cellulose ou les fibres de pois. Puis aussi des gommes comme la gomme de xanthane et la gomme de guar. Puis, ces additifs-là vont permettre au pain ou au muffin ou à d'autres produits de pas trop s'affaisser durant la cuisson et aussi de moins s'effriter là, une fois qu'il est cuit. Pour redonner un peu la texture, simuler la texture d'un produit avec du gluten. Donc, exact. On voit qu'il y a quand même vraiment... il y a plus d'options que je le pensais, en fait, en termes de farine et d'ingrédients sans gluten. Et comme tu dis, c'est une excellente chose, finalement, pour les personnes qui doivent manger sans gluten parce que elles ont comme ça un choix, accès à un choix intéressant et varié. Puis justement, en fait, quelles sont les raisons qui peuvent amener certaines personnes à éliminer le gluten de leur alimentation? On entend souvent parler de la maladie cœliaque, mais qu'est-ce que c'est exactement cette maladie cœliaque et est-ce que ça touche beaucoup de gens? La maladie cœliaque, essentiellement, là, c'est une intolérance très sévère au gluten, puis ça touche environ une personne sur 100. Donc, quand les personnes atteintes vont consommer du gluten, même si c'est vraiment des mini quantités de gluten, là, ça va causer des dommages à leurs intestins. Puis ça va causer plusieurs conséquences graves là, sur leur santé, autant sur le court que sur le long terme. Par exemple, là, si les intestins sont endommagés, ils vont pas être capables de bien absorber les nutriments qui proviennent de la nourriture. Donc, évidemment, ça engendre des risques de carence en vitamines, en minéraux, par exemple. Puis aussi, comme on peut évidemment s'en douter, là, les personnes vont avoir des symptômes digestifs comme maux de ventre, nausées et de la diarrhée chronique. Et sur le plus long terme, s'il y a beaucoup de dommages qui sont causés aux intestins par le gluten, ça augmente le risque de cancer du tube digestif, comme le cancer colorectal, par exemple. C'est pas anodin. Non, vraiment pas. Puis, pour le moment, il n'existe aucun remède pour guérir la maladie cœliaque. Donc, la seule façon de la prendre en charge, c'est d'éviter toute trace de gluten dans l'alimentation. Puis, quand je parle vraiment de traces de gluten, là, c'est vraiment des traces. Donc, par exemple, c'est pas seulement acheter du pain sans gluten. Il faut également utiliser un grille-pain qui est réservé uniquement à ce pain-là. Ah ouais, c'est à ce point-là. Oui, vraiment. Donc, ça permet d'éviter ce qu'on appelle la contamination croisée. C'est-à-dire qu'un aliment qui ne contient pas de gluten à la base, comme un pain sans gluten, va entrer en contact avec du gluten de manière involontaire. Donc, par exemple, le pain standard, le pain avec gluten, va assurément laisser des traces des particules de gluten à l'intérieur du grille-pain. Puis, puisqu'on nettoie pas l'intérieur du grille-pain, les particules de gluten vont se retrouver sur le pain qui était initialement sans gluten. Donc, cette contamination-là risque de faire réagir là, les personnes qui ont la maladie cœliaque. Puis, même au-delà de l'alimentation, en fait, là, c'est important d'éviter le gluten parce que, notamment, il y a certains rouges à lèvres ou certains dentifrices qui peuvent avoir des petites traces de gluten dedans. Donc, les personnes qui ont la maladie cœliaque doivent également éviter ces produits-là. Ouais, donc on voit que ça peut être disséminé à des endroits insoupçonnés. Et puisque c'est si important pour ces personnes d'éviter complètement le gluten, comment est-ce qu'elles font pour s'assurer qu'un aliment ou un produit est sécuritaire et ne contient absolument aucune trace de gluten? Oui, effectivement, il faut qu'elles se fient à quelque chose. Puis au Canada, pour qu'un produit puisse être affiché comme étant sans gluten, là, il faut bien sûr qu'il contienne aucune source de gluten, donc pas de blé, pas d'orge, par exemple. Mais en plus, il faut pas qu'il ait été contaminé par du gluten. Puis, ben, c'est le fabricant qui va décider d'ajouter une allégation sans gluten sur son produit. Puis, jusqu'à preuve du contraire, là, on considère que ce produit-là va être sécuritaire pour les personnes avec la maladie cœliaque. Et également, les cinq céréales là, que j'ai mentionnées tout à l'heure qui sont reconnues comme étant des sources de gluten doivent obligatoirement être déclarées dans la liste des ingrédients. Donc, c'est une autre façon aussi de vérifier si un aliment contient du gluten. Mm-hmm, mm-hmm. J'aimerais qu'on vienne brièvement là sur l'avoine parce que tu as mentionné que ça contenait du gluten, mais pourtant, j'ai déjà vu des produits à l'épicerie, notamment du gruau et des biscuits, qui contenaient de l'avoine dans la liste d'ingrédients, mais qui était tout de même affiché comme sans gluten. Alors, comment c'est possible d'avoir, si l'avoine contient du gluten, comment c'est possible d'avoir des produits avec avoine et sans gluten? Ben oui, c'est vrai, ça peut vraiment porter à confusion. Effectivement, avoine se retrouve dans l'acronyme SABO. Ouais. Donc, on assume qu'il contient du gluten, mais en réalité, c'est que techniquement, l'avoine, c'est sans gluten, mais il y a deux principales raisons pour lesquelles on la considère comme étant avec gluten. Donc, premièrement, l'avoine est souvent cultivée, traitée, puis transformée dans les mêmes environnements ou les mêmes usines que les céréales qui contiennent du gluten, comme le blé et l'orge. Puis, ça fait en sorte que nécessairement, il va y avoir une contamination croisée de gluten. Donc, l'avoine, ultimement, ne sera plus sécuritaire pour les personnes qui ont la maladie cœliaque. Puis, quand les produits d'avoine ont une mention sans gluten, c'est parce que l'avoine a jamais été en contact avec ces autres céréales-là. Donc, vraiment un processus complètement séparé de toutes ces autres céréales-là. Donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de contamination croisée finalement. Et la deuxième raison que qu'on dit que l'avoine est une source de gluten, c'est que l'avoine a une autre protéine qui n'est pas du gluten, mais qui ressemble un peu au gluten. Ah. Donc, il y a certaines personnes qui ont la maladie cœliaque, mais pas toutes les personnes, qui vont réagir à cette autre protéine-là parce que leur corps n'est pas capable de bien la distinguer du gluten. Mm-hmm. Il y a une protéine jumelle qui trompe le système de presque jumelle. Ouais, presque jumelle. Bref, en tout cas, ça n'a pas l'air reposant d'avoir la maladie cœliaque. J'imagine qu'il faut être sur ses gardes en tout temps pour s'assurer de ne pas ingérer du gluten parce que ça provoque non seulement des symptômes immédiats, mais aussi ça peut avoir des effets sur la santé à long terme, comme tu le disais tout à l'heure. Et d'ailleurs, en fait, pour obtenir un diagnostic de la maladie cœliaque, est-ce qu'il suffit d'avoir des symptômes digestifs quand on mange du gluten, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Pour qu'un médecin soit capable de diagnostiquer la maladie cœliaque, là, c'est certain qu'en premier lieu, il doit y avoir des signes et symptômes, comme j'ai mentionné tout à l'heure, des problèmes digestifs, des carences nutritionnelles, mais dans la plupart des cas, il peut aussi y avoir des symptômes qui ne sont pas en lien direct avec le système digestif, donc par exemple, la fatigue, les maux de tête, les douleurs articulaires, pour nommer quelques exemples. Mm-hmm. Puis ensuite, il y a certains marqueurs sanguins qui doivent être examinés. Puis pour ça, évidemment, ça va prendre une prise de sang. Et finalement, il faut faire des biopsies de l'intestin pour évaluer si le gluten a causé des dommages bien spécifiques, là, justement, à l'intestin de la personne. Donc, ça nécessite vraiment plusieurs tests et aussi plusieurs rendez-vous médicaux. Donc, c'est pas un diagnostic, effectivement, là, qu'on peut obtenir simplement là, dans une visite de routine chez le médecin. Puis, c'est pas non plus un diagnostic qu'on obtient uniquement en rapportant des symptômes digestifs, parce qu'il existe aussi plein d'autres conditions qui sont pas en lien avec le gluten, mais qui peuvent causer des symptômes digestifs très, très, très similaires. Donc, le médecin, quand il fait son diagnostic, doit s'assurer qui élimine la possibilité que ce soit ces autres conditions-là également. Oui, effectivement, c'est pas simple. Et si une personne pense avoir la maladie cœliaque et qu'elle fait tous ses tests, mais qu'ils sont négatifs, est-ce que c'est possible qu'elle reçoive un diagnostic différent? Autrement dit, est-ce qu'il existe d'autres conditions qui nécessitent également que le gluten soit éliminé de l'alimentation? Dans ce cas-là, on va parler d'une intolérance au gluten non cœliaque. Donc, c'est des symptômes vraiment, vraiment similaires à ceux de la maladie cœliaque, sauf que, justement, là, les tests que j'ai mentionnés vont être négatifs. Donc, il n'y a pas de mesure objective pour diagnostiquer l'intolérance au gluten non cœliaque. C'est plutôt basé sur les symptômes qui sont rapportés par la personne, puis le fait aussi qu'on exclut là, d'autres diagnostics qui auraient pu expliquer ces symptômes. Encore là, c'est vraiment important d'exclure les autres diagnostics. Puis, d'un autre côté, ben il y a aussi plusieurs personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, qui est vraiment une condition différente là, de la maladie cœliaque, mais qui ont quand même de la difficulté à digérer le blé. Mais par contre, dans ces cas-là, c'est pas nécessairement en raison du gluten. Ça peut aussi être à cause de d'autres molécules, comme certains sucres là, qui vont se retrouver dans le blé, puis que ces personnes-là vont moins bien tolérer. Mm-hmm. Oui, d'accord. Donc, c'est complexe. Oui. ça semble assez évident que pour ces personnes-là, l'idéal, c'est d'éviter le gluten ou le blé de manière générale pour éviter d'avoir des symptômes désagréables, un peu comme les je ne sais pas si on peut faire l'analogie, Clémence, mais un peu comme les personnes intolérantes au lactose qui doivent éviter de consommer certains produits laitiers pour éviter d'avoir ces symptômes digestifs. Ça doit être un petit peu similaire. Oui, il y a cette oui. Mais pour les personnes qui tolèrent bien le gluten, est-ce qu'elles devraient tout de même éliminer le gluten de leur alimentation? Parce que j'ai l'impression que des gens s'imaginent que le gluten est mauvais pour la santé, qu'il est la cause de plusieurs maladies et qu'il faut l'éviter à tout prix, même si on n'a pas d'intolérance évidente. J'ai l'impression que pour certaines personnes se font une sorte de devoir de manger sans gluten uniquement parce que ce serait plus santé de manger sans gluten. J'ai également cette impression-là. Il y a beaucoup de gens qui évitent le gluten sous prétexte que c'est mauvais pour la santé. Mais dans les faits, si on n'a pas d'intolérance au gluten, si on tolère bien le gluten, si on n'a pas la maladie cœliaque, ben c'est pas du tout le cas. Le gluten, c'est pas mauvais pour la santé en aucun cas. En fait, plusieurs aliments qui contiennent du blé, donc qui contiennent du gluten, sont vraiment des aliments de base qui fournissent plusieurs nutriments essentiels, puis aussi qui occupent vraiment une place importante dans nos assiettes, donc notamment le pain et les pâtes alimentaires. Surtout quand ces produits-là sont faits avec du blé entier, donc pain brun par exemple et pâtes de blé entier, parce que ben c'est la céréale entière est plus riche en fibres, donc plus nutritive que les produits faits à base de farine blanche. Donc d'ailleurs, là, les personnes qui vivent avec la maladie cœliaque, donc qui évitent tout ce qui contient du gluten, sont plus susceptibles d'avoir une alimentation qui est pauvre en plusieurs nutriments comme le zinc, le magnésium, le fer, le folate, le calcium et les fibres, notamment. Donc, en général, une alimentation sans gluten, c'est pas meilleur pour la santé. Est-ce que ces personnes-là doivent prendre des compléments éventuellement? Oui, fort probablement. Ça fait partie de la prise en charge pour rester en santé. Puis financièrement aussi, c'est désavantageux comme alimentation parce que les alternatives sans gluten typiquement sont 2 à 5 fois plus chères que les aliments ordinaires avec gluten. Sans compter que ça peut être difficile de trouver ces alternatives-là dans les grandes surfaces. Souvent, il faut aller dans des petites épiceries, plus difficile à trouver. Puis autrement, ben si il y a des personnes qui tolère bien le gluten, mais qui a quand même des aliments sans gluten qu'il trouve satisfaisant et qui apprécie, ben il n'y a pas de mal à en manger non plus. Par exemple, justement, je connais des personnes qui n'ont pas de problème du tout avec le gluten, mais qui ont quand même une préférence pour certains produits qui ne contiennent pas de gluten. Par exemple, ils préfèrent leur goût, ils préfèrent leur texture. Ouais. Ben oui, il y en a qui aiment ça. Donc, à ce niveau-là, je vois pas d'enjeu à les consommer, mais c'est juste qu'il faut pas penser que c'est nécessaire de remplacer tout ce qu'on mange par des options sans gluten sous prétexte que ce sont des meilleures options pour la santé parce que, ben dans les faits, c'est pas le cas, sauf évidemment si on a une condition qui le requiert. Oui, qui a été quand même diagnostiquée également par un médecin, donc la maladie cœliaque ou une intolérance au gluten. Oui, il existe également d'autres conditions plus rares comme l'allergie au blé, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une allergie, là, donc c'est différent. Donc, pour résumer, fumer, à moins d'avoir une condition de santé comme la maladie cœliaque ou autre type d'intolérance, bah, c'est pas nécessaire d'éviter les aliments qui contiennent du gluten, même qu'au contraire, ce serait plutôt désavantageux, autant sur le plan nutritionnel que sur le plan financier, là, si je résume ce que tu viens de nous apprendre, Clémence. Exact, c'est ça. Alors, ben, merci beaucoup, Clémence, d'avoir fait le point sur le gluten. Merci beaucoup, Clémence. Merci. Et si vous avez des questions en lien sur la nutrition ou sur le sujet d'aujourd'hui ou sur la nutrition en général, ben, n'hésitez pas à nous envoyer à nous les envoyer par courriel à futursimple.ckrl@gmail.com ou sur les pages Futursimple de Facebook et LinkedIn. Clémence se fera un plaisir d'y répondre dans un prochain épisode, quelque part en mai, je crois, Clémence. Oui. Voilà. Alors, merci beaucoup, Clémence. Merci.